Chapitre 5. 6 heures du matin, le lendemain. Une masse noire, ayant forme humaine dans un ruisseau, au bord d'une espèce de rue déserte surplombée par des remparts. Encore l'obscurité, encore la pluie, fine et froide. Toujours le bruit de ce vent d'hiver, qui avait veillé, comme on dit en marine, et passé la nuit à gémir. C'était en bas, un peu au-dessous du pont de Brest, au pied des grands murs, à cet endroit où traînent d'habitude les marins sans gîte, ivres morts, qui ont eu une intention vague de retourner vers leur navire et sont tombés en route. Déjà une demi-lueur dans l'air, quelque chose de terne, de blafard, un jour d'hiver se levant sur du granit. L'eau ruisselait sur cette forme humaine qui était à terre, et tout à côté tombait en cascade dans le trou d'un égout. Il commençait à faire un peu plus clair. Une sorte de lumière se décidait à descendre le long de ces hautes murailles de granit. La chose noire dans le ruisseau était bien un grand corps d'homme, un matelot qui était couché les bras étendus en croix. Un premier passant fit un bruit de sabots de bois sur les pavés durs, comme en titubant. Puis un autre, puis plusieurs. Ils suivaient tous la même direction, dans une rue plus basse qui aboutissait à la grille du port de guerre. Bientôt cela devint extraordinaire. Ce tapotement de sabots, c'était un bruit fatigant, continu, martelant le silence comme une musique de cauchemar. Des centaines et des centaines de sabots piétinant avant-jour, arrivant de partout, défilant dans cette rue basse, une espèce de procession matineuse de mauvais aloi. C'étaient les ouvriers qui rentraient dans l'arsenal, encore tout chancelant d'avoir tant bu la veille, la démarche mal assurée et le regard abruti. Il y avait aussi des femmes laides, Ave, mouillée, qui allait de droite et de gauche, comme cherchant quelqu'un. Dans le demi-jour, elle regardait sous le nez les hommes à grands chapeaux bretons, guettant là pour voir si le mari ou le fils était enfin sorti des tavernes, s'il irait faire sa journée de travail. L'homme couché dans le ruisseau fut aussi examiné par elle. Deux ou trois se baissèrent pour mieux distinguer sa figure. Elles virent des traits jeunes, mais durcis et comme figés dans une fixité cadavérique, des lèvres contractées, des dents serrées. Non, elle ne le connaissait pas. Et puis ce n'était pas un ouvrier, celui-là. Il portait le grand col bleu des matelots. Cependant l'une, qui avait un fils marin, essaya par bonté d'âme de le retirer de l'eau. Il était trop lourd. Quel grand cadavre, dit-elle, en lui laissant retomber les bras. Ce corps sur lequel étaient tombées toutes les pluies de la nuit, c'était Yves. Un peu plus tard, quand le jour fut tout à fait levé, ses camarades qui passaient le reconnurent et l'emportèrent. On le coucha, tout trempé de l'eau et du ruisseau, au fond de la grande chaloupe, mouillé des embruns de la mer, et bientôt on se mit en route à la voile. La mer était mauvaise, le vent debout. Ils louvoyèrent longtemps et ils eurent du mal pour atteindre leur navire. Chapitre 6. Yves s'éveilla lentement vers le soir. C'était d'abord des sensations de douleur qui revenaient une à une, comme au sortir d'une espèce de mort. Il avait froid, froid jusqu'au cœur de ses membres. Surtout, il était engourdi et meurtri, étendu depuis des heures sur une couche dure. Alors il essaya un premier effort, à peine conscient, pour se retourner. Mais son pied gauche, qui lui fit tout à coup grand mal, était pris dans une chose rigide contre laquelle on sentait bien qu'il n'y avait pas de lutte possible. Ah oui! Il reconnaissait cette sensation, il comprenait maintenant les fers. Il connaissait bien déjà ce lendemain inévitable des grandes nuits de plaisir, être rivé à la barre par une boucle pour des jours entiers. Et ce lieu où il devait être, il le devinait sans prendre la peine d'ouvrir les yeux. Ce recoin étroit comme une armoire, et sombre et humide, avec une odeur de renfermé et un peu de jour pâle, tombant d'en haut par un trou, la cale du magicien. Seulement, il confondait ce lendemain de fête avec d'autres qui s'étaient passés ailleurs, là-bas, bien loin, en Amérique, ou dans les ports de la Chine. Était-ce pour avoir battu les alguazils de Buenos Aires, ou bien était-ce la mêlée sanglante de Rosario qui l'avait mené là, ou encore l'affaire avec les matelots russes à Hong Kong? Il ne savait plus bien, à quelques milliers de lieues près, n'ayant pas la notion du pays où il se trouvait. Tous les vents et toutes les lames de la mer avaient bien pu promener le magicien par tous les pays du monde. Elle l'avait secoué, roulé, meurtri au dehors, mais sans parvenir à défaire l'arrangement de toutes ces choses qui étaient dans cette cale, de toutes ses bobines de corde sur des étagères, sans déplacer cet habit de plongeur qui devait être là, pendu derrière lui, avec ses gros yeux et son visage de morse, ni changer cette odeur de rat, de moisissure et de goudron. Il sentait toujours ce froid si profond que c'était comme une douleur jusque dans ses os. Alors il comprit que ses vêtements étaient mouillés et son corps aussi. Toute cette pluie de la veille, ce vent, ce ciel sombre, lui revinrent vaguement à la mémoire. On n'était donc plus là-bas dans les pays bleus de l'Équateur. Non, il se rappelait maintenant. C'était la France, la Bretagne, c'était le retour tant rêvé. Mais qu'avait-il fait pour être déjà offert à peine arrivé dans son pays? Il cherchait et ne trouvait pas. Puis un souvenir lui revint tout à coup, comme d'un rêve. Pendant qu'on le hissait à bord, il s'était un peu réveillé, disant qu'il monterait tout seul et il avait vu justement devant lui, par fatalité, certains vieux maîtres qu'il avait en aversion. Il lui avait dit aussitôt de très vilaines injures. Après, il y avait eu bousculade, et puis il ne savait plus le reste, étant à ce moment-là retombé inerte et sans connaissance. Mais alors, la permission qu'on lui avait promise pour aller dans son village de Plouzerzel, on ne la lui donnerait pas? Toutes ces choses attendues, désirées pendant 3 ans de misère étaient perdues. Il songea à sa mère et sentit un grand coup dans le cœur. Ses yeux s'ouvrirent, effarés, regardant en dedans, dilatés dans une fixité étrange par un tumulte de choses intérieures. Et avec l'espoir que ce n'était qu'un mauvais rêve, il essaya de secouer dans l'anneau de fer son pied meurtri. Alors un éclat de rire sonore, profond, partit comme une fusée dans la cale noire. Un homme, vêtu d'un tricot rayé collant sur le torse, était debout devant Yves et le regardait. Dans son rire, il renversait en arrière une tête admirable et montrait ses dents blanches avec une expression féline. « Alors, tu te réveilles ?» interrogea l'homme de sa voix mordante, qui vibrait avec l'accent bordelais. Yves reconnut son ami Jean Barada, le canonnier, et levant les yeux vers lui, il lui demanda si je le savais. « T'es, dit Barada avec sa gouaillerie de gascon, s'il le sait ?» Il est descendu 3 fois et même il a amené le docteur ici pour te voir. Tu étais raide, tu leur as fait peur. Et je suis de faction ici, moi, pour le prévenir si tu bouges. Et pourquoi faire? Je n'ai pas besoin qu'il revienne, ni lui, ni personne. N'y va pas, Barada, entends-tu bien? Je te le défends. Ainsi c'était fait. Il était retombé encore et toujours dans son même vice. Et toutes les rares fois qu'il touchait la terre, cela finissait ainsi. Et il n'y pouvait rien. C'était donc vrai ce qu'on lui avait dit, que cette habitude était terrible et mortelle, et qu'on était bien perdu quand une fois on l'avait prise. De rage contre lui-même, il tordit ses bras musculeux qui craquèrent. Il se souleva à demi, serrant ses dents, qu'on entendit crisser et puis retomba la tête sur les planches dures. Oh, sa pauvre mère, elle était là tout près et il ne la verrait pas, depuis 3 ans qu'il en avait envie. C'était ça son retour en France, quelle misère et quelle angoisse. « Au moins, tu devrais te changer, » dit Barada. « Reste tout mouillé comme tu es, ça n'est pas sain, et tu attraperas du mal. »« Tant mieux alors, Barada. À présent, laisse-moi. » Il parlait d'un ton dur, le regard sombre et méchant, et Barada, qui le connaissait bien, comprit qu'en effet, il fallait le laisser. Yves détourna la tête et se cacha d'abord le visage sous ses 2 bras relevés. Puis, craignant que Barada ne s'imaginât qu'il pleurait, par fierté, il changea sa pose et regarda devant lui. Ses yeux, dans leur atonie fatiguée, gardaient une fixité farouche, et sa lèvre, plus avancée que de coutume, exprimait ce défi de sauvage qu'en lui-même il jetait à tout. Dans sa tête, il formait de mauvais projets. Des idées conçues déjà autrefois à des heures de rébellion et de ténèbres lui étaient revenues. Oui, il s'en irait comme son frère Goulven, comme ses frères. Cette fois, c'était bien décidé et bien fini. La vie de ces forbans qu'il avait rencontrés sur les baleiniers d'Océanie ou dans les lieux de plaisir des villes de la Plata, cette ville au hasard de la mer, sans loi et sans frein, depuis longtemps l'attirait. C'était dans son sang d'ailleurs, c'était de famille. Déserté pour aller naviguer au commerce à l'étranger, ou faire la grande pêche, c'est toujours le rêve qui obsède les matelots, et les meilleurs surtout dans leurs moments de révolte. Il y a de beaux jours en Amérique pour les déserteurs. Lui ne réussirait pas, il se le disait bien, il était trop voué à la peine et au malheur. Mais si c'est la misère, au moins là-bas, on est affranchi de tout. Sa mère, eh bien, en se sauvant, il passera par Plouerzel la nuit pour l'embrasser. Toujours comme son frère Goulven, qui avait fait cela, lui, jadis. Il s'en souvenait de l'avoir vu arriver une nuit avec l'air de se cacher. On avait tenu tout fermé pendant la journée d'adieu qu'il avait passée à la maison. Leur pauvre mère avait beaucoup pleuré, il est vrai. Mais qu'y faire? C'est fatal, cela. Et ce frère Goulven, comme il avait l'air décidé et fier. À part sa mère, Yves avait à ce moment tout le reste en haine. Il songeait à ces années de sa vie déjà dépensées au service, dans la séquestration des navires de guerre, sous le fouet de la discipline. Il se demandait au profit de qui et pourquoi. Son cœur débordait de désespoir amer, d'envie, de vengeance, de rage d'être libre. Et comme j'étais cause, moi, qu'il s'était engagé pour 5 ans à l'État, alors il m'en voulait aussi et me confondait dans son ressentiment contre tous les autres. Barada l'avait quitté et la nuit de décembre était venue. Par le panneau de la cale, on ne voyait plus descendre la lueur grise du jour. Ce n'était plus qu'une buée d'humidité qui tombait par là et qui était glacée. Un homme de ronde était venu allumer un fanal dans une cage grillée et tous les objets de la cale s'étaient éclairés confusément. Yves entendit au-dessus de lui faire le branle-bas du soir, tous les hamacs qui s'accrochaient, et puis le premier cri des hommes de quart marquant les demi-heures de la nuit. Au dehors, il ventait toujours, et à mesure que le silence des hommes se faisait, on percevait plus fort les grandes voix inconscientes des choses. En haut, il y avait un mugissement continu dans la mâture. On entendait aussi la mer au milieu de laquelle on était et qui, de temps en temps, secouait tout comme par impatience. À chaque secousse, elle faisait rouler la tête d'Yves sur le bois humide et lui avait mis ses mains dessous pour que cela lui fît moins de mal. La mer, elle aussi, était cette nuit-là sombre et méchante. Tout le long des parois du navire, on l'entendait sauter et faire son bruit. Sans doute à cette heure, personne ne descendrait plus dans la cale. Yves était seul par terre, rivé à sa boucle, l'anneau de fer au pied et maintenant ses dents claquaient. Chapitre 7. Pendant une heure après, Jean Barada apparut encore, ayant l'air d'être venu ranger un de ces palans dont on se sert pour les canons. Et cette fois, Yves l'appela tout bas. « Barada, tu devrais bien me donner un peu d'eau douce pour boire. » Barada alla vite chercher sa petite moque, qu'il portait pendue à sa ceinture le jour et qu'il serrait la nuit dans un canon. Il y mit de l'eau qui était couleur de rouille, ayant été rapportée de la Plata dans une caisse de fer, et un peu de vin volé à la Cambuse, et un peu de sucre volé à l'office du commandant. Et puis il souleva la tête d'Yves tout doucement avec bonté, et le fit boire. « Et à présent, dit-il, veux-tu te changer ?»« Oui, répondit Yves d'une toute petite voix devenue presque enfantine, et qui était drôle par contraste avec sa manière de tout à l'heure. À deux, ils le déshabillèrent, puis se laissant câliner comme un enfant. On essuya bien sa poitrine, ses épaules et ses bras, on lui mit des vêtements secs, et on le recoucha en plaçant sous sa tête un sac pour qu'il pût mieux dormir. Quand il leur dit merci, un bon sourire, le premier, vint changer toute sa figure. C'était la fin. Son cœur était amolli et redevenu lui-même. Aujourd'hui, cela n'avait pas été bien long. Il sentait un attendrissement infini en songeant à sa mère, et une envie de pleurer. Quelque chose comme une larme vint même dans ses yeux, qui était dure pourtant à cette faiblesse-là. Peut-être serait-on encore un peu indulgent pour lui à cause de sa bonne conduite à bord, de son courage à la peine, et de son rude travail dans les mauvais temps. Si c'était possible, si on ne lui donnait pas une punition trop grave, il est certain qu'il ne recommencerait plus et se ferait tout pardonner. C'était une grande résolution cette fois. Quand il avait bu seulement un verre d'eau-de-vie après les longues abstinences de la mer, tout de suite sa tête partait, et alors il lui en fallait d'autres et d'autres encore. Mais en ne commençant pas du tout et en ne buvant jamais rien, il aurait encore un moyen sûr de rester sage. Ce repentir était la sincérité d'un repentir d'enfant. Il croyait beaucoup que s'il pouvait échapper pour cette fois à ce conseil terrible qui mène les matelots en prison, ce serait sa dernière grande faute. Il avait aussi espoir en moi et puis surtout envie de me voir, et il pria Barada de monter me chercher. Chapitre 8. Il y avait 7 ans qu'Yves était mon ami quand il fit cette équipée de retour. Nous étions entrés dans la marine par des portes différentes, lui 2 années avant moi, bien qu'il fût de quelques mois le plus jeune. Le jour où j'étais arrivé à Brest en 1867 pour y prendre ce premier uniforme de marin en toile dure, que je vois encore, le hasard m'avait fait rencontrer Yves Kermadec chez un protecteur à lui, un vieux commandant qui avait connu son père. Yves était alors un enfant de 16 ans. Il me dit qu'il allait passer de novice après 2 années de mousse. Pour le moment, il revenait de son pays, à l'expiration d'une permission de 8 jours qu'on lui avait donnée. Il semblait avoir le cœur très gros des adieux qu'il venait de faire pour longtemps à sa mère. Cela et notre âge, qui était à peu près le même, c'était entre nous 2 points communs. Un peu plus tard, étant devenu midship, je retrouvai sur mon premier navire ce Kermadec, qui s'était fait homme et qui était gabier. Alors je le choisis pour être mon gabier de hamac. Pour un midship, le gabier de hamac, c'est le matelot chargé de lui accrocher tous les soirs son petit lit suspendu et de le lui décrocher tous les matins. Avant d'emporter le hamac, il faut naturellement réveiller le dormeur qui est dedans et le prier de descendre. Cela se fait en général en lui disant « Il est branle-bas, capitaine ». On répète plusieurs fois cette phrase jusqu'à ce qu'elle ait produit son effet. Après, on roule soigneusement la petite couchette suspendue et on l'emporte. Yves s'acquittait très bien de ce service. De plus, nous nous rencontrions journellement pour la manœuvre là-haut, dans la grande hune. Il y avait une solidarité dans ce temps-là, entre les midships et les gabiers, surtout pendant les campagnes lointaines comme celles que nous faisions. Cela devenait entre nous très cordial. À terre, dans les milieux étranges où quelquefois nous rencontrions la nuit nos gabiers, il nous arrivait de les appeler à la rescousse quand il y avait péril ou mauvaise aventure, et alors ainsi réunis, on pouvait faire la loi. Dans ces cas-là, Yves était notre allié le plus précieux. Comme note au service, les siennes n'étaient pas excellentes. Exemplaire à bord, l'homme le plus capable et le plus marin, mais sa conduite à terre n'est plus possible. Ou bien, à montrer un courage et un dévouement admirable, et puis indiscipliné, indomptable. Ailleurs, zèle, honneur et fidélité, avec incorrigible, en regard, etc. Ses nuits de fer, ses jours de prison ne se comptaient plus. Au moral comme au physique, grand, fort, beau, avec quelques irrégularités de détails. À bord, il était le gabier infatigable, toujours à l'ouvrage, toujours vigilant, toujours leste, toujours propre. À terre, le marin embordé, tapageur, ivre, c'était toujours lui. Le matelot qu'on ramassait le matin dans un ruisseau, à moitié nu, dépouillé de ses vêtements comme un mort par les nègres quelquefois, ailleurs par les Indiens ou par les Chinois, c'était encore lui. Lui aussi le matelot échappé qui battait les gendarmes ou jouait du couteau contre les alguazils. Tous les genres de sottises lui étaient familiers. D'abord, je m'amusais des choses que faisait ce Kermadec. Quand il allait à terre avec sa bande, on se demandait au poste des midships « Quelle nouvelle histoire apprendrons-nous demain matin? Dans quel état vont-ils revenir ?» Et moi je songeais « Mon hamac ne sera pas fait d'au moins 2 jours. » Cela m'était égal pour mon hamac. Seulement ce Kermadec était si dévoué, il paraissait avoir un si brave cœur, que j'avais fini par m'attacher à cette espèce de forban, généralement gris. Je ne riais plus tant de ces méfaits dangereux, et j'aurais préféré les empêcher. Cette première campagne terminée et nous séparés, il se trouva que le hasard nous réunit encore sur un autre navire. Oh, alors cela devint presque de l'affection. Et puis il y eut à ce second grand voyage 2 circonstances qui nous rapprochèrent beaucoup. La première fois, c'était à Montevideo, un matin, avant le jour. Yves était à terre depuis la veille, et moi j'arrivais au quai dans un grand canot armé de 16 hommes, avec mission de faire provision d'eau douce. Je me rappelle cette demi-lueur fraîche du matin, ce ciel déjà lumineux et encore étoilé, ce quai désert que nous longions en ramant doucement, cherchant l'Aiguade, cette grande ville qui avait un faux air d'Europe, avec je ne sais quoi d'encore sauvage. En passant, nous voyions ces longues rues droites, immenses, s'ouvrir l'une après l'autre sur ce ciel qu'il blanchissait. À cette heure indécise où la nuit allait finir, plus une lumière, plus un bruit, de loin en loin quelques rôdeurs s'engitent à l'allure hésitante. Le long de la mer, des tavernes dangereuses, grandes bâtisses en planches, sentant les épices et l'alcool, mais fermées et noires comme des tombeaux. Nous nous arrêtâmes devant une qui s'appelait la taverne de la Independencia. Une chanson espagnole venant de l'intérieur, comme étouffée, une porte entrebâillée sur la rue, 2 hommes dehors se donnant des coups de couteau, une femme ivre qu'on entendait vomir le long du mur. Sur le quai des monceaux de peau de bœuf, des pampas fraîchement écorchés, infectant l'air pur et délicieux d'une odeur de venaison. Un convoi singulier sortit de cette taverne, 4 hommes en emportant un autre, qui devait être très ivre, sans connaissance. Il se hâtait vers les navires comme ayant peur de nous. Nous connaissions ce jeu qui est en usage dans les mauvais lieux de cette côte, enivrer les marins, leur faire signer quelque engagement insensé, et puis les embarquer de force quand ils ne tiennent plus debout. Ensuite, on appareille bien vite, et quand l'homme revient à lui, le navire est loin. Alors il est pris sous un joug de fer, on l'emmène comme un esclave pêcher la baleine, loin de toute terre habitée. Une fois là, d'ailleurs, plus de danger qu'il ne s'échappe, car il est déserteur à son pays, perdu. Donc ce convoi qui passait nous semblait suspect. Ils se pressaient comme des voleurs, et je dis aux matelots, « Courons-leur dessus !» Eux alors de lâcher leur fardeau, qui tomba lourdement par terre, et puis de s'enfuir à toutes jambes. Le fardeau, c'était Kermadec. Du temps que nous étions occupés à le ramasser, à le reconnaître, nous avions laissé échapper les autres, qui s'étaient enfermés dans la taverne. Les matelots voulaient enfoncer les portes, la prendre d'assaut, mais il en serait résulté des complications diplomatiques avec l'Uruguay. D'ailleurs, Yves était sauvé, et c'était l'essentiel. Je le rapportais à bord, couché dans un manteau, sur les outres qui contenaient notre provision d'eau douce. Cela m'attacha beaucoup à lui de lui avoir rendu service. La seconde fois, c'était à Pernambuco. J'avais perdu sur parole dans une maison de jeu avec des Portugais. Le lendemain, il fallait donner cet argent, et comme il ne m'en restait pas, ni aux amis du poste non plus, cela devenait difficile. Yves avait pris cette situation très au tragique, et vite il était venu m'offrir son argent à lui, qui était déposé sous ma garde dans un tiroir de mon secrétaire. « Ça me ferait tant de plaisir, capitaine, si vous vouliez le prendre. D'abord, je n'ai plus besoin d'aller à terre, moi, et même ça me rendrait service, vous le savez bien, de ne plus pouvoir y retourner. Eh bien oui, mon brave Yves, je l'accepterai pour quelques jours, ton argent, puisque tu veux me le prêter. Mais c'est que, vois-tu, il me manquerait encore 100 francs. Alors tu comprends, ça ne vaut pas la peine. Encore 100 francs? Je crois que je les ai en bas dans mon sac. » Et il s'en alla, me laissant très étonné. Dans son sac encore 100 francs, cela n'était pas vraisemblable. Il fut très longtemps à revenir. Il ne trouvait pas. J'avais prévu cela. Enfin, il reparut. « Voilà, dit-il en me tendant son pauvre porte-monnaie de matelot avec une bonne figure heureuse. » Alors une frayeur me vint, et je lui dis pour voir. « Yves, prête-moi aussi ta montre, je te prie. J'ai laissé la mienne en gage. » Il se trouva beaucoup, racontant qu'elle était cassée. J'avais deviné juste, pour avoir 1600 francs, il venait de la vendre avec la chaîne, moitié de son prix, un quartier maître du bord. Ainsi, Yves savait-il qu'il pouvait en appeler à moi en toutes circonstances. Et quand Barada vint me chercher de sa part, je descendis le trouver dans la cale, au fer. Mais il s'était mis cette fois dans un cas bien grave en bousculant ce vieux maître, et j'eus beau intercéder pour lui, la punition fut dure. 4 mois après, il lui fallut repartir, sans avoir vu sa mère. Au moment de m'embarquer avec lui sur la Sibylle, pour un tour du monde en 300 jours, je l'emmenai un dimanche à Saint-Paul-de-Léon, afin de le consoler. C'était tout ce que je pouvais pour lui, car son Plouerzel était bien loin de Brest, dans les côtes du Nord, au fond d'un pays perdu, et on n'avait encore construit par là aucun chemin de fer, capable en une journée de nous y conduire. Chapitre 9. 5 mai 1875. Il y avait des années qu'Yves rêvait de revoir Saint-Paul-de-Léon, le pays de sa naissance. Du temps que nous naviguions ensemble sur la mer brumeuse, souvent en passant au large, balancé par la houle grise, nous avions vu le clocher légendaire de Cresquer se dresser dans les lointains noirs, au-dessus de cette bande triste et monotone que représentait là-bas la terre de Bretagne, le pays de Léon. Et les nuits de quart, nous chantions la chanson bretonne. Je suis natif du Finistère, à Saint-Paul j'ai reçu le jour, mon clocher est le plus beau de la terre, mon pays le plus beau d'alentour. Rendez-moi ma bruyère et mon clocher à jour. Mais c'était comme une fatalité, comme un sort jeté sur nous. Jamais nous n'avions pu réussir à y aller à ce Saint-Paul. Au dernier moment, quand nous nous mettions en route, toujours des empêchements nouveaux. Notre navire recevait des ordres inattendus et il fallait repartir. Et nous avions fini par attacher je ne sais quelle pensée superstitieuse à ce clocher de Cresquer, entrevu seulement et toujours de loin, en silhouette, au bout de l'horizon sombre. Cette fois pourtant cela semble assuré, nous y allons pour tout de bon. Dans le coupé d'une vieille diligence de campagne, nous sommes assis tous deux à côté d'un curé breton. Les chevaux nous emportent assez bon train vers le pays de Saint-Paul, et tout cela a un air très réel. C'est de bon matin au premier jour de mai. Cependant la pluie tombe fine et grise comme une pluie d'hiver, clopin-clopant par la route tortueuse, montant les pentes raides, descendant dans les bas-fonds humides. Nous roulons au milieu des bois et des rochers. Les hauteurs sont couvertes de sapins noirs. Dans les lieux bas, ce sont de grands chênes ou des hêtres, dont les feuilles toutes neuves, toutes mouillées, sont d'un vert très tendre. Le long du chemin, il y a des tapis de marguerites et de fleurs bretonnes, les premiers silènes roses et les premières digitales. Au détour d'un rocher, la pluie cesse comme le vent, et du même coup, tout change d'aspect. Nous découvrons à perte de vue un grand pays plat, une lande aride, nue comme un désert. Le vieux pays de Léon, au fond duquel, tout là-bas, le Cresquer dresse sa flèche de granit. Il a du charme pourtant, ce pays triste, et Yves sourit en apercevant son clocher qui s'approche. Les ajoncs sont en fleurs, et toute la plaine est d'une couleur d'or. Par places, il y a des zones roses qui sont des bruyères. Un voile de vapeur gris-perle, d'une teinte très douce, d'une teinte septentrionale, couvre le ciel tout d'une pièce. Et dans la monotonie de ce pays jaune et rose, tout au bout de l'horizon profond, rien que ses points saillants, la silhouette de Saint-Paul et des trois clochers noirs. Des petites filles bretonnes chassent devant elles des troupeaux de moutons dans les bruyères. De jeunes gars les effarouchent en caracolant sur des chevaux nus. Des carrioles passent, chargées de femmes en coiffe blanche, qui s'en vont entendre la messe à la ville. Les cloches sonnent sur la route, s'animent joyeusement, nous arrivons.